إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 25 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Exposé de certaines sortes de sorcellerie. On a vu dans le cours précédent les preuves du Coran et de la Sunna démontrant le jugement de la sorcellerie et le statut du sorcier en islam. Et on a vu que celui qui pratique la sorcellerie, qui l'apprend ou qui l'enseigne, il sort en raison de cela de la religion de l'islam. À partir de là, étant donné la gravité de ce péché, que c'est un péché dont l'auteur sort de la religion de l'islam, nous avons donc besoin de savoir de quelle manière celui-ci se manifeste afin de pouvoir nous en écarter. Car comme on l'a mentionné à de multiples reprises, il fait partie du devoir des savants et des gens de science d'appeler les gens au bien, de leur démontrer ce qu'est le bien à travers les preuves du Coran et de la Sunna, mais aussi de leur exposer ce qu'est le mal afin qu'ils puissent s'en écarter. Entre dans cela la connaissance des différentes sortes de sorcellerie. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné à ce sujet 5 hadiths, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Il dit dans le premier hadith, Ahmad a dit, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, l'imam des gens de la sunnah. Muhammad ibn Ja'far nous a rapporté et a dit, Auf nous a rapporté de Hayyan ibn al-Ala, qui a dit, Qatan ibn Qabisah nous a rapporté, d'après son père, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dire. L'Ayafa, le Tarq et l'Augure font partie du Djibt. Et on va voir le sens de ces différents termes, Inch'Allah ta'ala. On a vu dans les cours précédents que le mot Djibt a été expliqué de différentes manières. Et parmi ces explications, il y a le fait qui désigne la sorcellerie. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu nous démontrer à travers ce hadith que ces choses qui sont mentionnées, l'Ayafa, le Tarq et l'Augure, elles font partie des différentes sortes de sorcellerie. Puis il nous a mentionné une parole d'un des narrateurs de ce hadith qui explique le sens de ces différents termes et il a dit « Auf a dit, l'Ayafa consiste à effrayer les oiseaux. Le Tarq a tracé des traits sur le sol et le Jibt al-Hassan, c'est-à-dire al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet qu'il désigne le son du diable. Al-Ayafa, il nous dit donc que cela consiste à effrayer les oiseaux. C'est-à-dire, et c'est une pratique, qui consiste à les effrayer, puis d'observer ensuite leur réaction. Quels sont les sons qu'ils vont produire? Et en quelle direction vont-ils se diriger? Par exemple, ils faisaient cela avant d'entreprendre une affaire. Ils effrayaient un oiseau, puis, si celui-ci allait à gauche, alors ils étaient pessimistes quant à cette affaire et ils s'en écartaient. Et si l'oiseau s'en allait à droite, alors ils étaient optimistes et continuaient dans le but de concrétiser cette affaire. At-Tarq, il nous dit cela consiste à tracer des traits sur le sol, et ce, afin de prendre connaissance de choses qui sont ignorées. Et ceci également fait partie des choses qui étaient pratiquées à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Et ceci font partie des pratiques utilisées par les voyants, les devins, les médiums ou autres. Et ils prétendent connaître l'invisible de cette manière. Ils vont faire des traits sur le sable, ou alors, comme ils le font aujourd'hui, ils vont regarder dans le maracafé ou d'autres choses semblables. Et ils prétendent connaître l'avenir de cette manière. Et en réalité, ce n'est pas en faisant cette chose qu'ils parviennent à obtenir certaines informations au sujet de choses qui sont ignorées. Mais, comme on l'a vu dans un cours précédent, ce sont les diables qu'ils les informent de certaines choses, et ce en raison du fait que les voyants se rapprochent des diables en leur vouant différentes sortes d'adorations. Ensuite, la troisième chose qui est mentionnée dans le hadith, c'est l'augure, qui désigne l'observation et l'interprétation de signes visibles ou audibles, laissant présager selon eux qu'une chose bonne ou mauvaise va se produire. Comme par exemple ceux qui pensent que voir la nuit un chat noir porte malheur, ou alors que le numéro 13 porte malheur, ou encore que le trèfle à quatre feuilles porte bonheur, et ainsi de suite, parmi les différentes croyances qui sont présentes chez beaucoup de gens et qui relèvent du polythéisme. C'est cela qui est visé par l'augure. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a consacré un chapitre à ce sujet, on reverra donc cela de manière plus détaillée dans un prochain cours, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, Aouf nous a expliqué le mot djibt par la parole d'Al-Hassan qui a dit c'est le son du diable. Et le son du diable, cela englobe nombre de choses. Et entre dans cela, comme l'ont mentionné les gens de science, la musique et ses différents instruments comme la flûte. Ceci fait partie du son du diable, par lequel il égare nombre de personnes parmi les hommes en les éloignant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en les éloignant de l'écoute, de la méditation, de la lecture de son noble livre, en les éloignant du dhikr, et en les éloignant de ce qui leur est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Et également entre dans la généralité du son du diable toute parole fausse, toute parole relevant des péchés ou alors de la mécréance et du polythéisme. On voit donc à travers ce hadith que l'iyafa, le tarq et l'augure font partie des différentes sortes de sorcellerie, car il est mentionné qu'elles font partie de l'Égypte. Et on a vu que l'Égypte, cela désigne la sorcellerie. On voit donc ici que la sorcellerie, c'est un nom général qui englobe de nombreuses choses mauvaises parmi les paroles et les actes, ainsi que les croyances. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième hadith et il a dit « Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui apprend une branche de l'astrologie a certes appris une branche de la sorcellerie, et plus il en apprend, plus il apprend de la sorcellerie. » C'est-à-dire, plus il apprend de l'astrologie, plus il apprend de la sorcellerie. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud d'une chaîne de transmission authentique. Il est donc venu dans ce hadith que celui qui apprend une branche de l'astrologie, c'est-à-dire une part de cette science, une part de connaissance concernant l'astrologie. L'astrologie qui désigne la croyance que les astres ont une influence sur les événements qui se passent sur Terre. Et ceci également fait partie des croyances des gens de la Jahiliya, et qui sont encore présentes jusqu'à aujourd'hui. Même si les gens ne se rendent pas chez des astrologues pour les consulter, ils ont accès à travers les journaux, les magazines, ou alors sur Internet, à travers différents sites et ainsi de suite, à ce qu'on appelle l'horoscope. En fonction du lever de tel astre, ils attribuent un signe à une personne et prétendent ensuite pouvoir connaître ce qui va lui arriver comme bien ou comme mal durant cette semaine, durant ce mois ou durant cette année. Et le fait d'attribuer les événements qui se passent sur Terre à la situation des astres, ceci relève de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est du shirk. Car celui qui administre les étoiles et les astres, et celui qui administre l'ensemble de l'univers, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux étoiles et aux astres, ainsi que l'ensemble des créatures, elles n'administrent rien dans l'univers. Et elles n'ont ni le pouvoir de profiter, ni le pouvoir de nuire, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le musulman de ne pas se laisser influencer par ce que prétendent les astrologues à ce sujet, mais de s'en remettre concernant son bonheur ou son malheur, son avenir et les choses qui vont lui arriver, uniquement à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quant au fait d'étudier ce qui est lié aux positions de la lune, et ce, afin de connaître les moments des adorations, l'entrée du mois, la sortie du mois, et ainsi de suite, alors il n'y a pas de mal en cela, car ceci est une science qui est profitable. Mais ce qui est visé par l'astrologie, c'est le fait de croire que les astres ont une influence sur ce qui se produit sur Terre. On voit donc dans ce hadith que celui qui apprend l'astrologie, il a certes appris une part de sorcellerie. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith ici dans ce chapitre. Car il nous prouve que l'astrologie fait partie des différentes formes de sorcellerie. Et ce, car l'astrologue, tout comme le sorcier ou le voyant, il prétend détenir une part de la science de l'invisible. On voit ensuite dans ce hadith que plus la personne apprend de l'astrologie, plus elle s'instruit à ce sujet, plus elle apprend de la sorcellerie. Et ceci est une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre la gravité de ce péché. Et que ce n'est pas une chose à prendre à la légère et qu'il ne faut pas croire que c'est une chose insignifiante. De la même manière qu'il n'est pas permis d'apprendre la sorcellerie, il est aussi interdit d'apprendre tout ce qui est lié à l'astrologie. Et le musulman doit avoir la ferme conviction que les étoiles, les astres n'ont été créés que pour les bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposés dans son livre, comme l'ornement du ciel, la lapidation des diables, mais également ce sont des signes qui nous permettent de nous guider. En effet, les étoiles, elles permettent aux voyageurs, pour celui qui a la science à ce sujet, de pouvoir reconnaître le nord et le sud, et ainsi de suite. Cela lui permet donc de connaître sa direction, et c'est pour ses sagesses que les étoiles ont été créées. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième hadith, et il dit: An-Nasa'i rapporte le hadith de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Celui qui fait un nœud, puis souffle dessus, a certes fait de la sorcellerie. Et celui qui fait de la sorcellerie a certes fait du polythéisme, a certes fait du shirk. Et celui qui s'attache à une chose est abandonné à celle-ci. Le fait de nouer des nœuds et de souffler sur ceux-ci, cela fait partie des pratiques des sorciers. Ils nouent le nœud, soufflent dessus et prononcent des formules et des incantations démoniaques, cherchant par cela à nuire à la personne qu'ils souhaitent viser par ce sort. Et comme on l'a mentionné, ils ne peuvent nuire à personne si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas eux-mêmes la capacité de pouvoir profiter ou nuire. Mais ils font ces choses en sollicitant l'aide des démons. Et ce qu'ils recherchent à porter comme atteinte à la personne visée par ce sort ne peut lui nuire que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de chercher protection contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Et ce dans Sourate Al-Falaq, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, wa min sharri an-naffathati fil-'uqad, et contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Celle qui souffle sur les nœuds, les gens du tafsir ont dit ce sont les sorcières, qui font des nœuds avec des fils ou autres, dans le but de pratiquer la sorcellerie. Donc, ce hadith nous démontre explicitement que cette pratique relève de la sorcellerie. Ensuite, il dit: Et celui qui fait de la sorcellerie a certes fait du polythéisme, a certes fait du shirk. Le shir, rahimahullah ta'ala, a donc voulu nous démontrer à travers la mention de ce hadith que cette pratique relève de la sorcellerie et que cela relève du polythéisme dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Car comme on a dit, le sorcier, il ne peut atteindre son objectif si ce n'est en sollicitant les démons. Et à partir du moment où il sollicite les démons, il a certes commis du shirk et sort ainsi de la religion de l'islam. Ensuite, il nous dit: Et celui qui s'attache à une chose, qui s'en remet à une chose, on l'abandonne alors à celle-ci. On a déjà vu un hadith similaire dans un chapitre précédent. On a expliqué que celui qui s'attache à une chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que cette chose peut lui profiter ou le préserver du mal, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette chose. Et telle est la situation de ceux qui s'attachent aux sorciers, aux voyants et autres parmi les charlatans. Ou alors ceux qui s'attachent aux morts, aux tombes et aux mausolées, en pensant que cela peut leur profiter ou leur nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En guise de châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne à ces choses. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne à ces créatures faibles qui n'ont ni le pouvoir de nuire ni le pouvoir de profiter, et qu'ils n'ont plus de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui détient le bien, la miséricorde pour ses serviteurs, ainsi que leur subsistance. Tout ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, celui qui se rend chez un sorcier ou autre parmi les charlatans, en espérant par exemple guérir d'une maladie, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à celui-ci. Également, celui qui se rend chez un voyant ou un devin pour lui demander par exemple où se trouve un objet qu'il a perdu, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à celui-ci. À partir du moment où il s'attache à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette chose. Il vivra alors dans l'angoisse et l'inquiétude. Alors que celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui attache son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne voue sa peur et son espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala se charge de ses affaires. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Il n'a pas besoin des sorciers, il n'a pas besoin des devins ni des voyants, il n'a pas besoin des astrologues, il n'a pas besoin de tous ces charlatans, et il n'a pas besoin des tombes, des mausolées, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Il attache son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'en remet à lui en toutes choses. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui suffira et le préservera de tout mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Alaysa Allah bikafin 'abda? Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Mais celui qui place sa confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui place sa confiance en une créature incapable, une créature faible, une créature qui n'a ni la capacité de nuire ni la capacité de profiter, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette créature. Dans ce bas monde, il va l'abandonner à ces gens, sorciers, ces devins, et ainsi de suite. Ils vont alors l'égarer. Ils vont lui pervertir sa croyance. Ils vont prendre le dessus sur lui. Ils vont le dominer au point même parfois de dominer sa raison. Wal'iyadhu billah. Il va alors vivre une vie pleine de gêne, d'angoisse, de faiblesse et d'inquiétude. Et on le voit chez ces gens qui se rendent auprès des tombes, des mausolées, qui consultent régulièrement les sorciers, ainsi de suite. Tu le vois qu'ils ont le cœur rempli de crainte, rempli d'angoisse, rempli de peur. Ils sont toujours instables. Ils ne trouvent pas la tranquillité et l'apaisement. Pourquoi? Car ils s'en sont remis à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'au-delà, leur destination, elle est connue s'ils ne se repentent pas. Car celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, son refuge sera le feu de l'enfer. Alors que le croyant monothéiste, dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis le paradis. Et ici-bas, tu verras que les croyants monothéistes, ceux qui sont véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui vouent un culte exclusif, n'en s'en remettent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de leurs affaires, tu verras que ils sont toujours le cœur apaisé, rempli de quiétude et de tranquillité. Et ils ont la force du cœur, la force mentale, ainsi que la sécurité. Pourquoi? Car ils s'en sont remis et ont placé leur confiance uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui voue son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et place sa confiance uniquement en lui, Allah subhanahu wa ta'ala se charge de ses affaires ici-bas et dans l'au-delà. Et il le préserve du châtiment et le fera entrer au paradis. Quant à ceux qui adorent les démons et ceux qui adorent les tombes, les mausolées, les morts et ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne alors à ceux en qui ils s'en sont remis et il leur dira au jour de la résurrection, allez voir ceux que vous adoriez ici-bas. Et lorsqu'ils iront les voir, ceux-là se désavoueront d'eux. Car, comme on l'a mentionné dans un cours précédent, tout être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala se désavouera de ceux qu'il adore au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un quatrième hadith et a dit « Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne vais-je pas vous informer au sujet de ce qu'est Al-Adl? Al-Adl, les gens de science ont dit que cela désigne une chose qui coupe et qui divise. C'est-à-dire, ne vais-je pas vous informer au sujet de la chose qui coupe et qui divise? Et d'autres ont dit que cela désigne la sorcellerie, c'est-à-dire ne vais-je pas vous informer au sujet de ce qu'est la sorcellerie. C'est donc pour ça que l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné dans ce chapitre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite dit que cette chose, al-'adl, cela désigne la namima, le colportage, le fait de rapporter les propos des gens les uns sur les autres. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous démontre le danger de namima, le colportage. Et c'est comme s'il avait dit que la sorcellerie tout entière se trouvait dans cela. Et l'objectif, à travers cette comparaison, est de nous démontrer la gravité du colportage et de nous mettre en garde contre ce grand péché. Et pourquoi le colportage est-il d'une si grande gravité? La réponse est que la namima, colportage, a pour conséquence la même chose que la sorcellerie. On a vu que, bien souvent, les personnes qui consultent les sorciers ou ceux qui pratiquent la sorcellerie, quel est leur objectif? Leur objectif, c'est de diviser, de séparer entre les gens. Séparer entre les époux, par exemple. Et le colportage, quelle est sa conséquence? Sa conséquence est la division entre les gens. Elle a même une conséquence plus grave et plus grande que la sorcellerie. Car le sorcier, il va séparer entre un homme et son épouse. Mais le colporteur, il se peut qu'il sépare et qu'il divise les gens de tout un quartier, de toute une ville, en raison de la corruption qu'il sème avec sa langue. C'est pour ça que certains ont dit que le nammam, le colporteur, il corrompt en 1 heure ce que le sorcier corrompt en 1 année. Et ce qui est voulu par cela, c'est de montrer que la conséquence du colportage est plus grande que la conséquence de la sorcellerie. Car le colportage, il va toucher l'ensemble des musulmans, alors que la sorcellerie, elle ne va toucher que la personne qui a été visée par le sort. Il ne faut donc pas penser que le colportage est un péché sans gravité. On a dit que le colportage, il désigne le fait de rapporter les paroles des gens les uns sur les autres, dans le but de semer la corruption et la division entre eux. Le colporteur, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend auprès d'une personne, il lui dit: j'étais auprès d'un tel, il a parlé sur toi, il te méprise, il te dénigre, il a dit ceci et cela, et ainsi de suite. Il fait donc tout pour provoquer la colère de cette personne contre celui de qui il lui a rapporté les paroles. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le second. J'étais auprès d'un tel, et il a dit ceci et cela sur toi, il te dénigre et te méprise, il ne t'aime pas, et ainsi de suite. Jusqu'à également provoquer sa colère contre le premier. Ensuite, qu'est-ce qu'il se produit? Il sème la discorde entre les gens. Les gens vont alors se disputer et ensuite ils vont se boycotter, ne plus se parler. Il va donc diviser entre les musulmans les uns les autres, ou pire encore, entre des frères de sang, ou alors entre le père et son enfant, entre l'homme et ses neveux et ses cousins, et ainsi de suite, au point que les gens deviennent ennemis des uns des autres en raison de la langue pendue de ce colporteur. Et il faut savoir que même s'il est véridique, il est dans le péché. Car il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'est dans le péché que s'il ment, que s'il invente des choses. Et ils pensent que s'il dit la vérité, ce n'est pas grave. Car il y a certaines personnes aujourd'hui qui s'ouvrent des portes de colportage et de médisance. Il va essayer de faire passer cela sous couvert d'une bonne action ou d'un acte par lequel il cherche à se rapprocher d'Allah. Wal'iyadhu billah. Il va lui dire par exemple: je vais t'avertir contre le mal d'un tel. Il ne fait que te dénigrer, il ne fait que parler sur toi, et ainsi de suite, sous prétexte de mise en garde. Donc même si c'est vrai ce qu'il rapporte, le colporteur, il est dans le péché. Ce qui lui incombe, s'il entend un musulman dénigrer son frère, que ce soit son frère en religion, ou pire encore son frère de sang, ou un membre de sa famille, ce qui lui incombe, c'est de lui dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de préserver l'honneur de ses frères en islam, de ne pas médire, de ne pas mentionner à leur sujet des choses qui les réprouvent. Donc le colporteur, il a tendu l'oreille au médisant, puis ensuite il a aggravé son péché et il est parti rapporter cette parole à la victime de cette médisance. On voit donc que c'est un grave péché qui fait effectivement partie des péchés majeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la namima, le colportage, cela fait partie des causes du châtiment de la tombe. Comme il est venu dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, il est passé un jour à côté de deux tombes et il a dit que les deux personnes se trouvant dans ces tombes se faisaient châtier. Puis il a dit, quant à l'un d'entre eux, il pratiquait le colportage. Il rapportait les propos des gens les uns sur les autres. C'est la cause du châtiment de la tombe. Ne se rend pas compte de ce que ce bout de chair que l'on a dans la bouche peut provoquer comme corruption ici-bas et dans l'au-delà. Tu te rends compte que cela peut être une cause pour que la personne se fasse châtier dans sa tombe et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le nammam, celui qui pratique le colportage, ne rentrera pas au paradis. Il n'y a pas de doute que ces hadiths sont des hadiths effrayants, qui nous mettent en garde contre la gravité de ce péché et nous poussent à prendre le dessus sur nos langues. Car la langue peut être une cause te menant au plus bas fond du feu, wal'iyadhu billah. Donc pour terminer avec ce hadith, On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ici le Nammam au sorcier. Mais cela ne veut pas dire que le colporteur, il a le même statut que le sorcier. On a vu que le sorcier, c'est un mécréant, car la sorcellerie relève de la mécréance majeure. Mais le Nammam, le colporteur, il ne sort pas de l'islam. Toutefois, son acte relève de la perversité. Donc ce que nous démontre ce hadith, c'est que le colportage est interdit de la même manière que la sorcellerie est interdite. Car le colportage ressemble à la sorcellerie dans sa conséquence, en termes de division entre les gens. Toutefois, la sorcellerie est de la mécréance et le colportage est de la perversité. Enfin, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un cinquième hadith et il a dit. Et ils ont tous deux rapporté, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Certaines formes d'éloquence relèvent de la sorcellerie. Celui qui est éloquent, il va attirer les gens par son discours. Contrairement à celui qui ne sait pas bien s'exprimer, il se peut que les gens se lassent rapidement de l'écouter. Donc, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la qualité de savoir bien s'exprimer et d'être éloquent dans son discours. S'il utilise cette qualité dans le bien, pour défendre la vérité, pour défendre la religion de l'islam, pour défendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et pour réfuter le faux, pour réfuter le polythéisme et la mécréance, réfuter les innovations, réfuter les gens de l'innovation, réfuter le faux de manière générale, alors il sera récompensé pour cela. Il aura utilisé cette qualité dans le bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il l'utilise dans le mal, comme par exemple pour défendre le faux, et pour s'opposer à la vérité aux gens de la vérité, alors il est dans le péché, et c'est cela qui est blâmé dans le hadith. Certaines formes d'éloquence relèvent de la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il ne blâme pas l'éloquence de manière générale. Mais ce qu'il blâme, c'est que la personne utilise cette qualité pour faire passer le faux comme vérité et la vérité comme faux. Car celui qui sait bien s'exprimer, alors il va réussir par ses mots et par ses plaisants discours à faire passer le faux pour vérité. Il va embellir le faux aux yeux des gens, au point qu'il pense que ce qu'il dit est vrai. On voit donc que son éloquence a pour conséquence de tromper les gens, comme s'ils étaient ensorcelés. Donc, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la qualité de savoir bien s'exprimer, il est obligatoire pour lui d'utiliser cette qualité dans le bien, dans le fait d'encourager le gens au bien et de les prévenir contre le mal. Mais s'il utilise cela dans le faux, comme par exemple pour défendre le faux, défendre les innovations, défendre les transgressions et les péchés, défendre des gens qui s'opposent aux gens de la vérité, et qu'en parallèle il se sert de cette qualité, pourquoi? Pour dénigrer les gens de la vérité, dénigrer les prédicateurs à la vérité, dénigrer les mashayikh, dénigrer les savants et ainsi de suite. Par ses beaux discours, il fait croire aux gens que ceux qui appellent au bien sont des gens mauvais, sont des gens qui sèment la corruption et ainsi de suite. Et ce, en faisant passer le faux pour vérité et la vérité pour faux. Alors celui-ci, il est blâmé pour son acte et blâmé pour son utilisation de cette qualité pour défendre le faux. Et c'est cela qui est une forme de sorcellerie. Car les gens sont comme ensorcelés par ses discours. Combien de personnes en ont entendu dire? Oui, mais un tel, parmi les orateurs ou les prédicateurs ou les sermonneurs, il parle d'une très bonne manière. Ses discours sont plaisants. Et ils sont tellement trompés par ses discours que, parfois, ils ne sont même pas capables d'expliquer ce dont ils ont profité de ses discours. C'est comme une illusion. Ils se sont laissés tromper par la forme, mais n'ont pas compris le fond et sont ainsi tombés dans le faux. Et nombre de personnes ne se sont égarées qu'en raison de prédicateurs éloquents parmi les gens déviants ou les gens de l'innovation et de l'égarement, au point d'en finir par détester les gens de la vérité et défendre le faux et ses adeptes, wal'iyadhu billah. On voit donc qu'il y a en cela un grand danger. Le musulman, il ne doit donc pas se laisser tromper par une personne sous prétexte qu'elle parle bien ou qu'elle s'exprime bien. Il n'y a pas de doute que si une personne qui parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parle mal, est grossière et vulgaire dans ses discours, ceci est une chose mauvaise, et ceci doit nous alerter. Mais le simple fait qu'une personne soit éloquente, cela ne doit pas te tromper. Ce que tu dois prendre en considération, ce n'est pas la manière de s'exprimer du prêcheur ou de l'imam ou du cheikh et ainsi de suite. Mais ce que tu dois prendre en considération, c'est la conformité de son discours au livre et à la sunna. Est-ce que ce qu'il m'a exposé est conforme au Coran et à la sunna? Est-ce que ce qu'il m'a exposé est conforme à la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala? C'est cela qui doit être pris en considération. Quant à la manière de s'exprimer, s'il est sur la vérité, alors ceci est un bien et on va en profiter. Mais s'il est sur le faux, que ses discours s'opposent au Coran, que ses discours s'opposent à la sunna, que ses discours s'opposent à la voix des pieux prédécesseurs, que ses discours s'opposent au jugement des savants, et aux paroles des savants, et aux conseils des savants, alors dans ce cas, tu ne dois pas te laisser tromper par son éloquence. Mais tu dois peser son discours sur la balance de la vérité. Si ce qu'elle a dit est vrai, cela est accepté. Et si ce qu'elle a dit est faux, cela est rejeté, aussi plaisant soit son discours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc voulu, à travers ce hadith, nous démontrer que l'éloquence est une forme de sorcellerie, et ce car la personne éloquente peut utiliser cela dans l'appel au mal en faisant passer la vérité pour faux et le faux pour vérité. On a donc terminé avec ce chapitre. On a vu en résumé, dans le premier hadith, le hadith de Qabisa, radiyallahu ta'ala anhu, que l'iyafa, at-tarq et l'augure font partie de la sorcellerie. On a vu l'explication de ces différents termes. Dans le deuxième hadith, le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, on a vu l'interdiction de l'apprentissage de l'astrologie qui fait partie des différentes formes de sorcellerie. Dans le troisième hadith, le hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, on a vu que le fait de nouer des nœuds et de souffler dessus avec pour intention de nuire aux gens, alors ceci relève de la sorcellerie. Et celui qui pratique la sorcellerie, il a certes commis du shirk, car la sorcellerie est une forme de shirk. Car comme on l'a vu, le sorcier, il sollicite l'aide des démons et se rapproche d'eux par différentes formes d'adoration, et ceci est du polythéisme. Et on a vu également dans ce hadith que celui qui s'attache aux sorciers et aux autres charlatans, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à ce en quoi ils sont remis. Dans le quatrième hadith, le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, on a vu l'interdiction de la namima, l'interdiction du colportage, et que cela fait partie des grands péchés et que c'est une des sortes de sorcellerie. Et on a vu dans le cinquième hadith, le hadith d'Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, l'interdiction de l'éloquence si celle-ci est utilisée dans l'appel au faux et le dénigrement de la vérité de ces gens, car ceci également fait partie des sortes de sorcellerie. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain le chapitre suivant qui concerne les voyants et leurs semblables. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.